Unité 3. Leçon 6. Situation. Situation 1. Voyage d'affaires. Activité 1, page 74. Écoutez et choisissez l'option correcte. Ah, Sylvie, je viens d'avoir M. Lamborghini au téléphone. Il faut envoyer un technicien conseil en Italie, à Taormine. C'est pour l'installation de ces chauffe-eau solaires dans le club vacances ? Oui. Est-ce que M. Montand est là ? Non, monsieur. Aujourd'hui, il est à Martigues. Il rentre demain. Bon, on peut attendre demain. Ah, souvenez-vous que je dois aller au Portugal cette semaine pour rencontrer ce nouveau client à Lisbonne. Très bien, monsieur. Vous voulez partir quand ? Jeudi, vers midi. Avec retour vendredi, en fin d'après-midi. Mais monsieur, et ce rendez-vous avec Madame Potier, jeudi à 10h ? Oui, vous avez raison. Rappelez-la et voyez avec elle, si c'est possible, mercredi après-midi. Entendu. Pour Lisbonne, je vous réserve une chambre dans le centre-ville ou près de l'aéroport ? Je préfère le centre. Vous savez, dans cet hôtel où va toujours Monsieur Fontaine. Bien, j'appelle l'agence immédiatement.